Arrêtons-nous ici. Ce lieu à l'écart du monde convient à mon dessein. Tire ton épée, Eusebio. C'est avec l'épée qu'on demande raison aux hommes de ta sorte. Nous nous battrons, Lizardo. Dis-moi seulement quel sujet d'offense je t'ai donné. Connais-tu ces lettres? Jette-les à terre, je les ramasserai. Prends. Malheur, mille fois malheur à l'homme qui confie ses secrets à un papier. Les as-tu reconnus? Je ne le nierai pas, elles sont toutes de ma main. Écoute. Je suis Lizardo de Sena, fils de Lizardo Curcio. Mon père, par des largesses bien inutiles, a dilapidé très vite l'héritage de ses ancêtres. Nous sommes donc pauvres. Mais la pauvreté ne dispense pas les obligations de la naissance. Ces obligations, Julien n'a pas su s'y conformer. Ou les a ignorées. Il n'empêche qu'elle est ma sœur. Et tu dois savoir que les femmes de son rang ne se courtisent pas avec des discours séducteurs, ni des billets d'amour et des messages clandestins. Certes, tu n'es pas le seul coupable. Et je reconnais que j'aurais agi de même avec une femme qui m'aurait donné licence de lui parler. Mais tu étais mon ami. Et c'est ici que je t'accuse. Car c'est ici que ta faute passe la sienne. Il se peut que ma sœur ait accepté d'être ta femme. Et je ne puis même imaginer que tu aies cherché à la voir pour un autre motif. Mais si tu l'avais choisie pour épouse, tu devais faire connaître tes vœux à mon père, avant de les découvrir à Julia. Ceci était la voie droite. Et mon père eut alors jugé s'il était bon de te donner sa fille. Écoute-moi. Tire ton épée, Eusebio. Et que l'un de nous meure ici. Toi, pour que tu ne puisses plus jamais poursuivre Julia. Ou moi, pour que je n'ai plus à le voir. Arrête. Arrête, Lizardo. Puisque l'un de nous va mourir, si le ciel faisait que je sois celui-là, tu dois connaître au moins une histoire prodigieuse dont il ne faut pas que le souvenir disparaisse à jamais avec moi. J'ignore qui fut mon père. Mais je sais que mon premier foyer fut le pied d'une croix et que j'eus une pierre pour berceau. Étrange naissance, si j'en crois les bergers qui me recueillirent alors au pied de ces montagnes. Pendant 3 jours, ils entendirent mes pleurs, et par crainte des bêtes féroces, ne tentèrent pas d'arriver jusqu'au lieu où je me trouvais. Et pourtant, Lizardo, aucune de ces bêtes ne me fit de mal. Ce qu'ils respectèrent, ce qui me tint en sa sauvegarde, je n'en doute plus maintenant, c'est la croix. Je fus trouvé par un berger qui cherchait sans doute quelques brebis perdues. Il me ramena au village d'Eusebio et lui conta mon étrange naissance. Eusebio ordonna qu'on me mène à sa maison et qu'on m'y élève comme son fils. C'est pourquoi, à cause de celui qui me recueillit, et à cause de celle qui la première fut mon guide et mon gardien, je m'appelle Eusebio de la Croix. J'entrai par vocation dans le métier des armes, j'appris les lettres par plaisir, Eusebio mourut, j'héritai de sa fortune. Et dès lors, si ma naissance fut prodigieuse, mon étoile ne le fut pas moins. Tour à tour, elle m'accable et me préserve. J'étais encore au bras de ma nourrice quand ma nature montra déjà sa barbarie. Poussé par une force démoniaque, je déchirai de mes gencives le sein où je buvais le lait. La nourrice, affolée de douleur et de colère, me jeta dans un puits, à l'insu de tous. Les hommes entendirent rire, et on descendit dans le puits. Je flottais sur les eaux, et je pressais sur mes lèvres mes petites mains que j'avais disposées en forme de croix. Un autre jour, la maison prit feu, les flammes barraient les issues et défendaient les portes. Et pourtant, Lizardo, je restais sauf dans le brasier. Et j'appris plus tard que ce jour-là était un jour consacré à la croix. J'avais 15 ans quand je me rendis à Rome, par la mer. Une furieuse tempête survint et mon navire à la dérive heurta un écueil invisible. La mer mit alors en pièces mon navire éventré. Mais je pus m'accrocher à une planche et regagner le rivage. Cette planche que j'embrassais, Lizardo, avait la forme d'une croix. Dans une autre occasion, je fus amené à me battre en duel. Aussitôt en garde, une botte foudroyante me jeta à terre. Tous me crurent mort, mais on découvrit seulement une marque de ce coup terrible sur un crucifix que je portais au cou. La pointe, au lieu de me tuer, avait frappé la croix. Cette même croix qui veilla sur ma naissance et que je garde gravée sur ma poitrine. Oui, Lizardo. Le ciel m'a marqué de cette croix, comme du signe visible de ses desseins mystérieux. Si je n'y puis dire de qui je suis le fils, je sens un tel feu et une telle âme en moi, une si haute passion enfin me transfigure, que je m'estime assez haut pour mériter Julia. Eusebio, les discours cessent devant l'épée. Blessé. À mort. Non. J'ai encore assez de force. Alors. Alors à moi, la terre me manque. Alors que la vie te manque aussi. Non, ne permets pas que je meure sans confession. Au nom de cette croix sur laquelle le Christ mourut, ne m'achève pas. Que la croix te sauve de la mort. Il suffit que tu l'invoques pour que mon bras perde sa force. Je ne peux pas. Mon âme m'aurait déjà quitté si elle n'hésitait entre tant d'issues. Laisse-toi aller dans mes bras. Reprends courage. Il y a tout près d'ici des moines pénitents qui vivent dans des grottes. Si tu parviens vivant à leur seuil, tu pourras te confesser. Pour cette pitié que tu me montres, je te donne parole que si je mérite de me retrouver devant le Dieu souverain, je demanderai que tu ne meures pas sans confession. Les comptes sont en règle. Belle charité, vraiment. Il le tue, et puis il l'emporte sur ses épaules. Maîtresse, Nora Minda, laisse-moi. Ma peine ne finira qu'avec la vie. Mais qui te jette dans ce désespoir? Un terrible malheur, Arminda. Toutes les lettres que j'avais d'Eusebio, Lizardo les a prises dans mon secrétaire. Il savait donc qu'elle s'y trouvait? Il est arrivé le visage décomposé. Et d'un ton qui s'efforçait d'être calme, il m'a dit qu'il avait joué, qu'il avait perdu, et qu'il voulait m'emprunter un bijou pour retourner au jeu. Si rapide que j'ai été à le satisfaire, il l'a été plus que moi. Il m'a arraché la clé, a ouvert avec rage mon secrétaire, et dans le premier tiroir, il a trouvé les lettres. Il m'a regardé. Puis sans dire un mot, il est parti à la recherche de mon père. Tous deux sont restés enfermés un grand moment. Ils préparaient ma perte, sois-en sûr. Ils sont sortis maintenant et selon Octavio, ils se sont dirigés vers le couvent. Si mon père a déjà mis à exécution ce qu'ils ont décidé, n'ai-je pas raison de m'affliger? Car le couvent ne me fera pas oublier, Eusebio. Et je me donnerai la mort avant de me voir religieuse. Julia. Toi, dans cette maison. Le malheur et l'amour m'ont poussé à cette extrémité. Que viens-tu chercher? Pourquoi te jeter dans un tel péril? Ce n'est pas la mort que je crains. Que veux-tu? Je viens te sauver, Julia. Et si tu le comprends, mes voeux seront comblés. Ton père connaît notre amour. Et pour m'ôter jusqu'à l'espérance du bonheur, il prétend te forcer à prendre demain l'état religieux. Si le cœur que tu m'as donné me désire, s'il est vrai que tu m'as aimé, s'il est sûr que tu m'as chéri, viens avec moi. Quitte cette maison où tu ne pourras résister, tu le sais, à la volonté de Curcio. Avec le temps, il faudra bien que ton père s'accommode de l'offense et fasse de nécessité vertu. J'ai des maisons pour t'abriter, des hommes pour te défendre, une fortune à t'offrir, une âme qui t'adore. Si tu veux me donner la vie, si ton amour est véritable, ose et fuyons, je t'en supplie. Écoute, Eusebio. Mon maître vient, madame. Cache-toi. Où? Cette pièce. Vite, j'entends son pas. Ma fille, je t'apporte aujourd'hui une heureuse nouvelle. La sainte condition dont tu as tant rêvé, j'en suis sûr, est maintenant la tienne. Toutes les dispositions sont prises. Rien n'a été laissé au hasard. Il ne te reste plus qu'à te parer magnifiquement pour devenir enfin l'épouse du Christ. Sois heureuse, ma fille. Te voici aujourd'hui au-dessus de toutes celles que le monde envie. Toi qui vas célébrer des noces divines. Seigneur, l'autorité d'un père qui surpasse toutes les autres peut certainement disposer de la vie. Mais elle ne commande pas à la liberté. N'est-il pas mieux valu me faire d'abord connaître vos intentions? N'auriez-vous pu aussi vous inquiéter de mes désirs? Non. Dans le juste ou dans l'injuste, ma volonté doit être la tienne. Un enfant est libre de choisir son état. Rien d'injuste ne saurait contraindre son choix. Laissez-moi réfléchir. Et ne vous étonnez pas que je demande un délai. Le parti d'une vie ne se prend pas en un instant. Il suffit que j'ai réfléchi, moi. Et que pour toi, j'ai consenti. Alors prends ma place au couvent, si à ma place tu dois vivre. Et toi, folle! Ou de ces cheveux, je ferai une corde pour ton cou. Avant d'arracher de mes propres mains cette langue qui m'outrage. Je défends ma liberté, Seigneur. Je ne te refuse pas ma vie. Tu m'as donné la vie, je ne puis te la refuser. Mais je tiens ma liberté du ciel. Et c'est elle qu'au nom du ciel, je te refuse. Je t'entends. Je commence à croire ce que jusqu'ici j'ai seulement soupçonné. Que ta mère ne fut pas honnête. Et que quelqu'un a souillé mon honneur. Je ne vous comprends pas, Seigneur. Sors, Armina. Il y a longtemps de cela, la seigneurie de Sénat, pour honorer ma lignée, m'envoya rendre hommage au pape Urbain III. À Sénat, ta mère était alors tenue pour une sainte et le modèle vivant des vertus. Elle demeura dans notre maison. Et avec mon ambassade, je restai 8 mois à Rome. Je revins enfin à Sénat. Je trouvai ta mère près d'accoucher. Ses lettres m'avaient préparé à ce malheureux enfantement, me disant qu'au moment de mon départ, elle avait déjà quelques doutes. Mais quant à moi, mon déshonneur à la réflexion me parut clair. Et je conclus à ma déchéance. Je ne dis pas que ce fut vrai. Mais dans tout ce qui touche à la noblesse, la certitude est inutile. Le soupçon suffit. Bien que mes pensées vinssent souvent au secours de ta mère, bien que son innocence me parût parfois vraisemblable, l'obsession de ce que je redoutais pesait trop sur mon cœur. Persuadé au fond de sa chasteté, je finis par vouloir tirer vengeance. Non de ses fautes, mais des pensées qu'elle m'avait données. Afin d'agir en secret, je prétextai une chasse imaginaire. Nous partîmes en montagne. Et pendant que tous s'abandonnaient au plaisir de la chasse, entourant Rosmira, ta mère, de paroles amoureuses, je l'emmenai par un sentier écarté. L'amusant ainsi, je la conduisis dans un lieu couvert d'arbres, de branches, de feuilles, que le soleil ne parvenait pas à percer. Et là, dans ce lieu où jamais le pied d'un mortel peut-être n'a laissé de traces, elle et moi, seuls, tous deux. Seigneur! Quel motif peut t'obliger à m'interrompre ainsi? Dans le malheur qui s'avance vers toi, tu vas pouvoir faire preuve de ta grandeur d'âme. Eh bien, ne crains pas de parler, je ne crains pas de t'entendre. On amène les ardeaux, Seigneur, portés par 4 bergers, baignés dans son sang, morts, tués d'un coup de dague. Mon Dieu. Arrête, Seigneur. Laissez-moi. Dites-moi qui a tué ce fils dont la vie me faisait vivre. Gilles te le dira. Caché derrière un arbre, il a vu celui qui a frappé. Parle! Qui m'a volé cette vie? Pendant la querelle, elle s'est nommée Eusebio. C'est tout ce que je sais. Cette honte peut-elle être surpassée? Eusebio a ravi mon honneur. Eusebio m'a pris la vie. Essaie maintenant d'excuser son audace. Ose encore dire que son amour est chaste. Quand il t'écrit non plus par lettre, mais dans ton propre sang. Père. Prépare-toi aujourd'hui même à prendre le voile. Dispose-toi à voir ta beauté partagée avec Lizardo et une sépulture prématurée. En ce même jour, je vous ensevelis tous deux en même temps. Lui, mort au monde, vivant dans ma mémoire. toi vivante au monde, morte dans ma mémoire. Pendant que je prépare vos doubles funérailles, pour que tu ne puisses sortir, je fermerai cette porte. Reste avec lui, pour que sa mort au moins t'apprenne à mourir. Donc ainsi, Eusebio, que tu voulais me sauver. Au lieu des tendresses promises, est-ce avec ces cruautés que tu prétends à moi? Je t'ai donné ma main contre les lois de l'honneur, et celle que tu me tends est maintenant souillée de mon propre sang. Voici à tes pieds. Je suis à ta merci. Tes yeux me jugent. Je sais que leur sentence ne peut être que mortelle. Mais si je dois mourir, la renommée criera de toutes ses voix : celui-là meurt parce qu'il a aimé. Oui, mon seul crime est de t'aimer. Et je ne veux pas de ton pardon. Je veux seulement que tu te venges. Prends ce poignard. Déchire ce cœur qui t'a outragé, arrache une âme qui t'adore et verse ainsi ton propre sang. Si tu ne veux pas me tuer, ton père le fera. Pour qu'il vienne, je vais crier que je suis dans ta chambre. Arrête, Eusebio, et fais droit à ma dernière demande. Tu as une terre et des